France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. This is the proper. Voilà le décor approprié à la scène. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Come and meet those dancing feet. 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. Bonjour à tous. C'est ce soir que se déroule à Londres la cérémonie des Laurence Olivier Awards. C'est un peu l'équivalent des Molières et ça fêtera ce soir ses 40 ans. Et du coup, eh bien, la soirée à Londres lorgnera franchement du côté de Broadway puisque comme aux Tony Awards, toutes les comédies musicales nommées monteront sur scène pour offrir un extrait de leur spectacle. Alors parmi elles, des comédies musicales dont nous vous avons parlé sur la 42e rue, la reprise de Guys and Dolls, de Gypsy, la création de Miss Henderson Presents d'après le film de Stephen Frears, mais aussi un spectacle ouvert il y a quelques semaines, venu de Broadway, signé Cyndi Lauper et Harvey Fierstein, qui avait remporté il y a 2 ans le Tony Awards de la meilleure comédie musicale de Broadway. King Kibbutz. Eh bien, c'est ce spectacle auquel nous vous invitons tout à l'heure, en fin d'émission. 2 allers-retours pour 2 personnes à Londres pour y assister. Ce matin, du coup, nous allons explorer la trajectoire étonnante du théâtre où est joué actuellement chaque soir King Kibbutz. L'Adelphi Theatre, et c'est en soi une sorte d'histoire de la comédie musicale à Londres que propose ce théâtre. Un théâtre où Dickens, par exemple, adaptait ses romans au 19e siècle et qu'on foulait des stars aussi célèbres que Noël Coward, Cole Porter, Emma Thompson, George Guettari ou Ute Lemper. Come on babe, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car, I know a whoopee spot. Well, the gin is cold, but my piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl. And all that jazz. Hair and wear your buckle shoes. And all that jazz, I hear that Father Dib is gonna blow the blues. And all that jazz, hold on, hon, we're gonna bunny hug. I bought some aspirin down at United Drug in case you shake apart and want a brand new start to do that jazz. Skidoo. And all that jazz. Hotcha. Whoopee. And all that jazz. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl. And all that jazz. Listen, R, your husband ain't home, is he? No, her husband is not at home. Find a flask, we're playing fast and loose. And all that jazz. Right up here is where I stole the juice. And all that jazz. Come on, babe, we're gonna brush the sky. I bet your lucky landing never flew so high. Cause in the stratosphere I'll cut your random ear to all that jazz. Oh, you gotta see a sheep a shimmy shake. Jazz. Oh, she's got a shimmy till her daughter's brain. And all that jazz. Sure. jazz. Nightly brawl and all that. So that's final, huh, Fred? Yeah, I'm afraid so, Roxy. Oh, Fred? Oh, Fred? Yeah? Nobody walks out on me! Sweetheart! Oh, don't sweetheart me, you son of a bitch! Roxy! Hatcha! Gotta pee. No, I'm no one's wife, but oh, I love my life, and I'm there. That's Marion, Madam Librarian, what can I do, my dear, to catch your ear? I love you madly, madly, Madam Librarian. Marion, heaven help us if the library caught on fire and the volunteer hose brigade men had to whisper the news to Marion. Madam Librarian, what can I say, my dear, to make it clear? I need you badly, badly, Madam Librarian. Marion, if I stumbled and I busted my whatchamacallit, I could lie on your floor unnoticed till my body had turned to Carrion. Madam Librarian. Now in the moonlight, a man could sing it in the moonlight. And a fellow would know that his darling had heard every word of his song with the moonlight helping along. But when I try in here to tell you, dear, I love you madly, madly, Madam Librarian. Marion, it's a long lost cause I can never win, for the civilized world accepts as unforgivable sin any talking out loud with any librarian such as Marion. Madam Librarian. Deux énormes succès au Adelphi Theater de Londres en 1961. C'était le transfert de The Music Man, formidable spectacle de Meredith Willson qui introduisait déjà un peu le rap, une certaine façon de scander les paroles sur scène. Et c'est Van Johnson à Londres qui reprenait le rôle principal créé par Robert Preston, le rôle de l'imposteur arrivé dans l'Iowa, soi-disant pour créer une fanfare. Alors, Van Johnson, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais en fait, si vous avez vu le film Brigadoon de Vincente Minnelli, ben c'était tout simplement l'acolyte de Gene Kelly. On l'entendait à l'instant dans la chanson Marianne the Librarian, un spectacle The Music Man resté plus d'un an à l'affiche au Adelphi. Et puis pour débuter, une comédie musicale qui est restée 9 ans au Adelphi Theater, la reprise de Chicago, avec dans le rôle de Velma Kelly, Ute Lemper. L'autre spectacle qui a connu un succès foudroyant dans ce théâtre à Londres s'intitule Me and My Girl, c'était en 1985. Le comédien Stephen Fry avait modernisé le livret d'une comédie musicale des années 30 de Noël Gay, l'histoire d'un ouvrier qui apprend qu'il est le 14e héritier du comte de Hartford. Ce spectacle restera 8 ans à l'affiche, il sera ensuite monté à Broadway, mais à Londres, on découvrait en 1985 une débutante, Emma Thompson. Life's an empty thing. Life can be so awful lonesome if you're always on your own. Some life's an empty thing. Life's a different thing when you found your one and only. Then you feel no longer lonely. Life's a happy thing. Everything was topsy-turvy, life seemed all wrong. But it came all right as soon as you came along. Me and my girl, meant for each other, sent for each other, and like in its own. Me and my girl, it's no use pretending. We knew the ending a long time ago. Some little church with a big steeple, just a few people that both of us know. And we'll have love, laughter, be happy ever after. Me and my girl. I love to hear you saying me and my girl. Meant for each other, sent for each other, and life in its own. Me and my girl, it's no use pretending. We knew the ending a long time ago. Some little church with a big steeple, just a few people that both of us know. And we'll have love, laughter, be happy ever after. Me and my girl. Thank you. À Londres, on compte un nombre invraisemblable de théâtres unis sur un tout petit quartier, en fait. Vous avez la rue Shaftesbury, il y en a déjà une quinzaine. Un quartier qui a été littéralement sauvé, il y a plus de 20 ans, de la destruction immobilière par un comité de sauvegarde du théâtre, à qui le directeur de la Société des théâtres de Londres a rendu hommage il y a un mois à l'inauguration d'une très belle exposition au Victoria et Albert Museum qui célèbre les liens entre Broadway et le quartier du West End de Londres sur la comédie musicale. Et il expliquait que si Londres aujourd'hui est plus vivant que jamais du point de vue théâtral et aussi du point de vue artistique et économique avec son presque milliard de chiffre d'affaires annuel, c'est parce que ces théâtres ont été sauvés de la destruction et des plans immobiliers grâce à ce comité de sauvegarde. Alors donc il y a ces théâtres dans la rue Shaftesbury, puis il y a des théâtres autour de Covent Garden, plus au sud près de la Tamise, et sur ce qu'on appelle le Strand qui part de Trafalgar Square, une rue qui était parsemée comme ça de maisons de spectacles. Il y a le prestigieux Art Deco Savoy Theatre et puis juste en face donc l'Adelphi Theatre, qu'on distingue par sa façade en faux marbre gris et noir, lui aussi en style art déco, avec aucune courbure dans les éléments. L'Adelphi a compté dans le développement du théâtre musical, on peut le dire, parce que par exemple, eh bien, en 1904, son patron est l'un de ceux qui ont fait passer le goût de ses compatriotes de l'opérette comique à la Gilbert et Sullivan au théâtre musical édouardien. Il s'appelait George Edwards. Et un exemple de ses plus grands succès, au Adelphi Theatre, s'intitule Mr. Cinders. C'était en 1929, une sorte de conte de Cendrillon inversé. Un énorme succès signé Vivian Ellis et Richard Myers pour la musique. Nous avons un enregistrement de l'époque. C'est Binny Hell qui interprétait sur scène Spread a Little Happiness. I've got a creed for every need. So easy then, it must succeed. I'll set it down for you to read. So please, take heed. Keep off the gloom, let in the sun. That's my advice to everyone. Un enregistrement d'époque de 1929, Benny Hill, Spread a Little Happiness, un enregistrement comme beaucoup que nous allons entendre ce matin, qui me sont prêtés par Rex Bennett à Londres. C'est un grand spécialiste de la comédie musicale. Il a écrit des livres sur les comédies musicales, sur les théâtres de Londres, sur les enregistrements de comédies musicales. Il a également créé un site sur l'actualité de la comédie musicale à Londres qui s'appelle Overture. Mais surtout, il dispose d'une discothèque absolument incroyable dans laquelle j'ai pu puiser quelques pépites pour ce matin. Alors, on compte en fait 4 théâtres différents à Delphi sur le même emplacement, sur le Strand à Londres. Le tout premier a été construit en 1806, il s'appelait le Sans Pareil, et en fait c'est un riche entrepreneur qui l'avait construit pour sa fille, artiste. Ça ressemblait, dit-on, plutôt à une taverne, mais le lieu se met au drame et aussi à ce qu'on appelle à l'époque des burlettas, des pièces de théâtre avec à chaque acte 5 pièces de musique. Pour la première fois, des pièces de théâtre connaissent de tels succès qu'ils peuvent rester plus de 100 fois à l'affiche. Et en 1834, on écrit d'ailleurs que l'Adelphi est le théâtre dont le public est le plus branché, le plus à la mode, et son magnifique chandelier au gaz suspendu du dôme fait sensation. C'est là que Charles Dickens adapte pour la scène ses romans. On va reconstruire plusieurs fois ce bâtiment en 1858, en 1901, et puis en 1930 émerge le visage qu'on lui connaît aujourd'hui. Son patron connaît la musique, il s'appelle Charles Cochrane, c'est un célèbre producteur, impresario britannique, ami de Noël Coward, qui passe son temps entre Londres et New York. Et le nouveau théâtre Adelphi Theatre en 1930 ouvre avec une comédie musicale spécialement écrite pour Londres par le duo Richard Rogers-Lawrence Hart. Un spectacle demeuré fameux pour sa scène tournante, ce qui était une innovation à Londres. Et l'héroïne était interprétée par une danseuse, Jessie Matthews. Ça s'intitulait Evergreen, comme si vous y étiez en 1930. The world is lyrical because a miracle has brought my lover to me. Though he's some other place, his face I see. At night I creep in bed, but never sleep in bed, just look above in the air. And to my sweetest joy, my boy is there. It is my prince who walks into my dreams and talks. He dances overhead on the ceiling near my bed, in my in vain, underneath my counterpane, there's my love up above. I whisper, go away, my lover, it's not fair. But I'm so grateful to discover he's still there. I love my feeling more. Dancing floor, just move. Une chanson de Richard Rodgers, l'auteur de la Mélodie du Bonheur, créée pour Londres au Adelphi Theatre en 1930. C'était Dancing on the Ceiling par Jesse Matthews. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Alors le théâtre Adelphi, qui n'a pas changé depuis sa réouverture en 1930, est aujourd'hui, si vous y allez, d'un style étonnant. On ne rentre pas chez Baccarat, mais presque. Hein, le vestibule et l'escalier sont en marbre noir. Les portes sont roses, les luminaires sont en style lalique, les grilles chromées et l'intérieur de la salle dans des teintes orange, vert, or, avec du bronze. Bref, une impression bizarre et opulente. Le propriétaire, Charles Cochrane, à l'époque, eh bien, était un familier de Noël Coward, le dramaturge, le compositeur. C'est là, au Adelphi, que Noël Coward va créer plusieurs revues qui mélangent sketchs et chansons, dont en 1932 la revue Words and Music, qui s'ouvrait par cette fameuse chanson Mad About the Boy. I met him at a party just a couple of years ago. He was rather over happy and ridiculous, but as I've seen him on the screen, he cast a certain spell. I basked in his attractions for a couple of hours or so. His manners were a fraction too meticulous. If he was real or not, I couldn't tell. But like a silly fool, I fell. Mad about the boy. I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm well aware that here and there are traces of a cad about the boy. A fool girl, I really shouldn't care. Lord knows I'm not a schoolgirl in the flurry of her first affair. Will it ever cloy this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. Mad about the boy. It's pretty funny, but I'm mad about the boy. He has a gay appeal that makes me feel there's maybe something sad about the boy. Walking down the street, his eyes look out at me from people that I meet. I can't believe it's true, but when I'm blue, in some strange way, I'm glad about the boy. I'm hardly sentimental, love isn't so sublime. I have to pay my rental and I can't afford to waste much time. If I could employ a little magic that would finally destroy this dream that pains me and enchains me, but I can't because I'm mad. C'est Noël Coward qui interprète sa chanson « Mad About The Boy ». Je reçois plein de mails d'auditeurs qui veulent à tout prix gagner ce voyage à Londres pour aller voir Kinky Boots et puis qui veulent savoir s'ils ont gagné la semaine dernière le voyage pour aller voir un autre spectacle. Je vous donne rendez-vous d'ici une vingtaine de minutes sur France Musique. En attendant, on continue d'explorer l'histoire de la comédie musicale dans ce théâtre Adelphi à Londres que vous avez compris à explorer et pour lequel a travaillé de grands compositeurs comme Richard Rodgers ou Noël Coward, mais aussi Cole Porter. Alors là, c'était une commande du propriétaire, Charles Cochrane, une comédie musicale qui s'intitule « The Nymph Errant, et qui raconte l'histoire osée d'une jeune femme qui parcourt le monde pour perdre sa virginité. C'est Gertrude Lawrence qui a incarné l'héroïne dans une production très british, qui ne sera jamais montrée à Broadway parce que c'est certainement encore à ce jour trop shocking. Je vous propose pas d'écouter la version originale de 1933, mais sa reprise en 89. La chanson s'intitule « Salomon ». C'est lorsque l'héroïne arrive dans une province reculée de Turquie, toujours à la recherche du grand amour, Elisabeth Welch. Solomon had a thousand wives, and being mighty good, he wanted all of them to lead contented lives. So he bought each mama a platinum piano, a gold-lined kimono, and a diamond-studded Hispana. Solomon had a thousand wives. In spite of all he gave them, the wives of Solomon found their papa slow. So for her jazzin', every wife of Solomon took on a gigolo. And while they pampered those high brown heroes by punching them and lunching them and supping them at Ciro's, Solomon had no place to go. Soon Saul began to miss those baby dolls of his, and got his favorite eunuch, Rastus Brown. And when he heard the lowdown on those malls of his, he said, go out and search the whole darn town till you found your massa, a thousand knives. I'm tired of doing the treating for a thousand cheating wives. So is gonna cut the whole crop down. So Solomon summoned his thousand wives. Then Solomon pulled out his thousand knives, and he slashed their gizzards and gashed their muzzles, till all that was left of them was a lot of jigsaw puzzles. Then slowly mounting his royal dais, he picked up the microphone and said, all I gotta say is, Solomon no longer has a thousand wives. The Nymph Errant, une comédie musicale de Cole Porter, jamais vue à Broadway, créée à l'Adelphi Theatre en 1933. L'un des plus grands succès de comédie musicale à l'Adelphi Theatre, eh bien, figurez-vous qu'il est britannique. Ça s'intitule Bless the Bride et ça racontait l'histoire d'une jeune fille britannique qui prend la fuite avec un Français débonnaire. Un spectacle qui ouvre après-guerre, 26 avril 47, même si la compétition est rude, puisqu'exactement au même moment, les Britanniques découvrent les comédies musicales américaines novatrice de Rodgers et Hammerstein, comme Oklahoma, eh bien ça n'empêche. Bless the Bride restera à l'affiche durant 3 ans. La chanson que vous allez entendre compte parmi celles les plus demandées de tous les temps à la BBC. Alors c'est Lisbeth Webb qui incarnait la jeune héroïne, et son fiancé, c'était George Guittari. So happy, Pierre. I shall never be happier than I am today. This is my lovely day. This is the day I shall remember, the day I'm dying. They can't take this away. It will be always mine, the sun and the wine, the zephyrs crying. All happiness class must pay. And who can tell if fate means well or the sky is light? But look at me and say, you will remember too that this was our lovely day. This is our lovely day. This is the day I shall remember, the day I am dying. They can't take this away. It will be always mine, the sun and the wine, the seabirds crying. All happiness must pay. And if our ship goes down, she'll go with the flag still flying. But look at me and say, you will remember too that this was our lovely day. George Guettari, Lisbeth Webb, This is my lovely day, l'Adelphi Theater. Juste après la guerre en 1947, l'Adelphi qui a connu son lot de succès et d'échecs. Alors l'un des flops les plus retentissants, c'était une comédie musicale autour de la carrière de Marilyn Monroe. Ça s'intitulait Marilyn the Musical. Ça racontait les hauts et les bas de l'actrice, ses relations conflictuelles avec sa mère, ses maris. La musique était signée Mort Garson, les paroles et le livret Jack Wilson, créé en 1983. Le spectacle tient à peine 6 mois à l'affiche et la critique fut dure avec ce spectacle. Je cite, c'était une récitation sans surprise de tout ce que l'on sait sur la vie de Marilyn, exprimée sans élégance à travers une musique muzak. Il n'y a pas d'enregistrement, mais quelques chansons ont été interprétées par la comédienne dans un CD, Stéphanie Lawrence, préservée, ses chansons, par l'historien Rex Bennett, qui nous a déniché notamment cette chanson. One ex-husband, one ex-lover, and a few that didn't tell. They're probably saying just another hungry day, trading affection for champagne and steak. But while I'm eating and drinking, they're picking up the checks. While they're giving me small talk, we're both thinking about sex. That's why I'm using a bleach. That's why I'm wetting my lips. That's why I'm wearing it tight. That's why I'm swinging my hips. I'm working on my appeal, not doing it for a meal, 'cause I've got my eye on a big piece of the sky. That's why I'm working my eyes. That's why I'm talking like this. That's why I'm making them feel I would be too good to miss. I'm making them brand new. Personality, Miss Novotny. La Delphi a enfin accueilli des reprises célèbres. Il y a eu My Fair Lady en 1981. Et puis auparavant, une version surprenante de Showboat en 1971, la comédie musicale de Jérôme Kern. C'est une chanteuse de jazz qui réussissait brillamment la transition vers le théâtre, Cléo Lane, qui interprétait notamment cette chanson. Fish gotta swim and birds gotta fly. I'm gonna love one man till I die. Can't help loving that man of mine. Tell me he's lazy. I'm crazy. Maybe I know. Can't help loving that man of mine. Hey, listen, sister, I love my Mr. Man, and I can't tell you why. There ain't no reason why I should love that man. It must be something that the angels done planned. Fish gotta swim and birds gotta fly. I'm gonna love one man till I die. Can't help loving that man of mine. Tell me he's lazy. Tell me he's slow. Tell me I'm crazy. Maybe I know. Can't help loving that man of mine. When he goes away, that's a rainy day. But when he comes back, the day is fine. The sun will shine. He can come home. Woo-hoo! can't help loving that man, Cléo Lane, dans Showboat, à Londres, en 1971. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. L'Adelphi Theater est aujourd'hui l'un des plus prestigieux théâtres de Londres, qui présente quasiment des comédies musicales uniquement. C'est là, par exemple, que Andrew Lloyd Webber a créé Sunset Boulevard. Il y a quelque temps, on y découvrait Sweeney Todd de Stephen Sondheim dans une mise en scène très théâtrale. Et aujourd'hui, on y voit un import de Broadway, comme on dit, Kinky Boots, un spectacle enlevé qui a obtenu il y a 2 ans le Tony Award de la meilleure comédie musicale de l'année. Un spectacle signé Cyndi Lauper et Harvey Fierstein qui se déroule au Royaume-Uni. Et justement, maintenant, c'est le moment de vous offrir un voyage pour y assister à Kinky Boots à Londres. France Musique, 42e rue, en partenariat avec nos partenaires, la Société des Théâtres de Londres et Eurostar, vous invite à Londres chaque semaine jusqu'au 10 avril. On vous offre 2 voyages pour 2 personnes de Paris à Londres pour assister à une comédie musicale. La semaine dernière, on vous offrait un voyage pour assister à Miss Anderson Presents. Alors les réponses, c'était quoi? Eh bien, qui interprétait Miss Anderson dans le film de Stephen Frears? C'était Judi Dench. Quant à la première chanson d'un film de James Bond, écrite par le parolier Don Black, que nous recevions, il s'agissait de Thunderball. Vous avez été nombreux à jouer, alors on a dû procéder à un tirage au sort. Et voici les noms de ceux qui partiront le 28 mai. Bravo à Léa Goldenstein au Pré Saint-Gervais en Seine-Saint-Denis et bravo à Emmanuel Lagache à Paris dans le 11e. Vous pouvez préparer votre sac pour le 28 mai. Cette semaine, on vous offre un voyage pour assister à Kinky Boots, donc à l'Adelphi Theatre, l'adaptation d'un film britannique méconnu, une entreprise de chaussures dans l'Angleterre au bord de la faillite. Et le fils d'un héritier, de l'héritier de la boîte, qui la sauve en s'associant avec une drag queen, qui suggère de fabriquer des bottes de drag queen. C'est un spectacle frais, léger, sur de la musique pop, signé Cyndi Lauper. Sa première incursion dans la comédie musicale, j'ai rencontré l'acteur principal. Bonjour, ça va? Je m'appelle Killian Donnelly. Alors Killian est nommé ce soir parmi les meilleurs acteurs aux Laurence Olivier Awards. Il interprète le patron de la fabrique de chaussures. Je lui ai demandé si Cyndi Lauper s'était impliquée dans la production du spectacle. Cyndi a assisté à nos répétitions. Matt Henry, qui joue le rôle de Lola, et moi, nous avons bénéficié de leçons de chant avec Cyndi Lauper. Parce que si vous chantez une chanson de Cyndi Lauper, il faut être le plus fidèle possible. Donc Cyndi nous chantait les chansons. Moi, j'ai joué le rôle de Javert dans Les Misérables, donc je peux avoir une voix opératique. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre pour chanter une chanson pop de Cyndi Lauper. Cyndi m'a donc appris comment chanter sa musique. Donc, elle était là, et on chantait les chansons de Kinky Boots. De temps en temps, elle se mettait au piano, elle faisait des gammes et ainsi de suite. Et d'un point de vue technique, elle me montrait comment chanter ses chansons. La même chose pour Matt. Elle était là, c'était formidable tout au long des répétitions. Et c'est ça qui est formidable quand les gens nous entendent chanter les chansons sur scène et ils disent « Ah, on dirait Cyndi Lauper ». Oui, je peux vous montrer comment on fait. Elle nous a appris un truc, je vous explique. Vous tenez votre langue, vous la faites sortir de votre bouche. Et vous dites gi-hi-hi. Ainsi. Eh bien, en ce faisant, vous pouvez. Vous faites ça sans vibrato. Vous voyez la différence? C'est comme ça qu'on chante du Cyndi Lauper. Sans vibrato. C'est soyeux, c'est ouvert. Et c'est pas comme ça. C'est ça qu'elle nous a appris. Donc maintenant, c'est plus facile de chanter du Cyndi Lauper. Lorsque j'ai chanté Soul of a Man au début, vous voyez le vibrato? Grâce à Cyndi. Soul of a Man. Noble and wise like the... So that it would just be all this sustained. Vous voyez, la note est tenue, mais il n'y a pas le vibrato. Chafed and chewed up. my fuses. I guess I'm just a ruse in my father's shoes. Not amusing, no confusing this streak of losing. Totally brutal and useless too. Soul of Man, Killian Donnelly, un extrait de Kinky Boots. Alors cette semaine, on vous offre donc un voyage pour assister à ce spectacle, Kinky Boots, au Adelphi Theatre. Pour jouer, c'est simple. Il faut répondre à deux questions, un peu plus corsées cette semaine. Première question, quel rôle interprétait Harvey Fierstein, le librettiste de Kinky Boots, dans la comédie musicale Hairspray à Broadway? Et puis Cyndi Lauper n'est pas le premier compositeur pop à écrire une comédie musicale. Comment s'appelle la comédie musicale de Sting l'an dernier à Broadway? Vous connaissez les réponses, direction la page de 42e rue sur francemusique.fr. Vous cliquez sur le lien qui vous amène à la page du concours, vous remplissez le formulaire, vos coordonnées, vous avez jusqu'à mercredi soir, minuit. Bonne chance! Yeah. Et on close cette 42e rue consacrée à l'histoire du Adelphi Theater avec une grande comédie musicale qui a été créée pour la version londonienne. C'était A Little Night Music de Stephen Sondheim et cette chanson The Sun Won't Set. Rendez-vous sur francemusique.fr pour tenter donc de remporter ce voyage à Londres pour assister à Kinky Boots. Vous avez jusqu'à mercredi minuit. Tirage au sort mercredi, dimanche prochain. Je vous annoncerai les gagnants. Et puis notez aussi qu'à Londres se tient une très belle exposition au Victoria et Albert Museum autour du théâtre musical qui montre les ponts entre Londres et ce qu'on appelle donc le West End à Londres et son équivalent à Broadway. C'est à voir pendant 6 mois. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Nous aurons un cabaret en direct du studio 105. Nous aurons la chance de recevoir la troupe de l'opéra de Katsu de Kurt Weill avec Nicole Croisille, Ananda Setanen. Un spectacle d'ailleurs que vous pouvez voir dès cet après-midi à 15h30 au Mans. D'ailleurs, il y a une autre production de l'opéra de Katsu actuellement. C'est à Montrouge jusqu'au 14 avril. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique. Laurent Vallière, Martine Moni, Cécile Gissot, Victor Buton, Perrine Mingui. On vous souhaite un très bon dimanche. Rideau.